Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Enchanté, moi c'est Xavier, bienvenue sur le podcast de la connaissance, de la réflexion sur notre société actuelle ou encore des petits souvenirs de jeunesse. Avant d'aller plus loin, nous allons commencer par une petite citation. L'écrivain et auteur américain Stephen King a dit « Que l'on soit petit ou grand, c'est quand même compliqué d'être seul et d'avoir peur. Mais quand on est vieux, c'est encore pire. » Dans cet objectif-là, nous allons voir par le biais de ce second podcast si Stephen King a raison et si le fait d'être célibataire et seul est une fatalité ou est-ce que l'on a quand même la possibilité de pouvoir s'en sortir. Donc pour ce second podcast, nous allons aborder un sujet qui est totalement différent du premier qui était sur les mangas, sur les dessins animés des années 90. Cette fois-ci, on va aller totalement à l'opposé et on va se rapprocher plus d'un thème sociétal. On va plus aborder le thème du célibat, de la complicité, de savoir comment est-ce que l'on peut arriver à redevenir célibataire, comment est-ce que l'on est devenu célibataire, quelles sont les raisons qui ont pu pousser à ça, comment est-ce qu'on peut le vivre, quelles sont les différentes façons de pouvoir supporter cela, et surtout, après, qu'est-ce que l'on peut trouver comme alternative pour pouvoir compenser? Qu'est-ce que l'on peut faire pour arrêter d'être célibataire? Quels sont les moyens dans notre société actuelle de pouvoir se trouver quelqu'un, un homme ou une femme? Quels sont les moyens que l'on a à disposition? Est-ce que le célibat est vraiment une fatalité? Est-ce que l'on est tous voués à être célibataire? Ou est-ce que les couples peuvent encore durer? Et simplement, d'une manière globale, qu'est-ce que l'on peut avoir comme avenir quand on est célibataire? Que l'on veuille se trouver quelqu'un? Ou alors que l'on veuille rester célibataire toute sa vie? Le programme commence maintenant. Dans le cadre de ce podcast, nous allons aborder la problématique du célibat à trois niveaux. Dans un premier temps, nous allons aborder les raisons du célibat d'une manière globale. Qu'est-ce qui peut faire que dans la vie, on soit devenu célibataire ou on choisisse d'être célibataire? Le second angle que l'on va apporter, ce sera les solutions que l'on peut avoir. Concrètement, qu'est-ce que l'on a comme moyen à disposition autour de nous pour pouvoir essayer de compenser un petit peu le célibat et pour pouvoir faire quelque chose pour pouvoir s'en sortir? Et troisièmement, nous allons essayer de nous motiver un petit peu pour sortir de notre zone de confort. Car en fait, réussir à se trouver quelqu'un, ce n'est vraiment pas du tout quelque chose qui est aisé. Bien au contraire. Il faut vraiment sortir de son petit carcan pour essayer de trouver quelqu'un qui puisse nous correspondre si on est dans cet objectif-là. Dans un premier temps, pour essayer de comprendre les raisons du célibat, nous pouvons nous baser sur le livre de la psychologue Lisa Letissier, qui a écrit « La rupture amoureuse ». Ce livre-là nous permet de réussir à remonter la pente lorsque l'on est devenu célibataire. Et l'un des points sur lesquels elle appuie, c'est par exemple le fait d'habiter toujours dans l'endroit, dans l'environnement où l'on a vécu avec son ex. C'est le fait que, par exemple, lorsque l'on rentre chez soi, alors que son ex est parti, il y a un espèce de côté psychologique, un petit peu triste et nostalgique, qui fait que lorsque l'on rentre chez soi, même si la personne n'est plus là, quelle que soit la forme de la disparition de la personne, on a toujours des souvenirs. Le cerveau travaille beaucoup sur la mémoire. Et par exemple, même si la personne n'est plus là, on peut très bien, même cela peut arriver que l'on revoit la personne, pas du tout physiquement, mais sous un espèce d'aspect spirituel, comme une espèce d'ombre qui plane sur l'environnement. On peut par exemple visionner, je vais utiliser le terme visionner pour ne pas dire imaginer, on peut éventuellement visionner son ex dans le salon, dans la cuisine, dans la salle de bain, sur l'entrée, et même encore plus simplement dans la chambre. Dans le même lit où l'on a vécu, avec lui ou avec elle. Et malheureusement, quand cela arrive, Ben on essaye de compenser. On s'endort avec un coussin, avec un oreiller que l'on serre très fort contre soi pour essayer de se souvenir de la personne, de son ex. C'est psychologique parce que l'on sait que la personne n'est pas là. Mais on essaye de se raccrocher à quelque chose. Ce n'est vraiment pas du tout évident. Et en fait, Lisa Letissier appuie beaucoup sur l'environnement d'une manière globale, sur le fait d'être sur le même endroit où l'on a vécu avec son ex. C'est le premier point. L'article de l'Express du 13 février 2015 nous démontre par le biais de la psychologue Sophie Cadalen que notre société actuelle nous pousse à rentrer dans des cases. Et on peut se poser la question quant au fait de savoir si le fait de rentrer dans des cases standards ou alors dans des schémas sociétaux, culturels ou religieux font que l'on peut trouver vraiment un équilibre ou alors être vraiment en adéquation avec notre société actuelle. Lorsque l'on parle un petit peu avec les personnes qui sont autour de nous, ou alors avec les institutions qui nous entourent, en reprenant les exemples des institutions culturelles, religieuses ou sociétales, on nous met quand même la pression quant au fait qu'il faut être en couple pour être bien, heureux, stable et intégré dans notre société, ou alors dans notre environnement. Qui n'a pas connu ce genre d'exemple? Une personne qui a 30 ans, 40 ans, 50 ans, et qui est célibataire, n'arrivant pas à se trouver une personne qui lui correspond, cette personne-là peut être aussi bien un homme qu'une femme, qui n'a jamais connu ce genre de petite réflexion? Fais gaffe, fais attention, l'horloge biologique tourne, tu commences à avancer en âge, dans quelques années ce sera plus compliqué. Quoi? Tu es toujours célibataire? C'est bizarre que tu sois toujours célibataire. C'est pas normal que tu sois toujours célibataire. Quand est-ce que tu vas me faire des petits-enfants? Quand est-ce que tu vas construire ta vie? Quand est-ce que tu vas te marier? Il faut que tu te maries. Il faut que tu sois en couple. Pour être heureux ou heureuse, tu dois te marier devant Dieu. Tu dois te marier à l'église. Ça fait des siècles que les gens sont en couple. Ça fait des siècles que les gens ont des enfants. Il faut perpétuer les traditions. Voilà le genre de petits exemples que souvent on peut entendre autour de nous. Et c'est vrai que ce qui est très bizarre, c'est que dans notre société actuelle, le statut de personne célibataire est quand même toujours très mal reconnu. Très mal reconnu dans tous les types d'environnements cités auparavant. Mais maintenant, comment faire? Comment faire si nos choix de vie ou alors notre équilibre va à l'encontre ou va à l'opposé de tout ce que notre environnement peut essayer de nous démontrer? Toutes ces personnes qui sont autour de nous pensent pouvoir nous dire ça pour notre équilibre et pour notre bien. Et si l'effet était inverse? Et si le fait de nous mettre la pression n'était pas encore plus dangereux? Et si le fait de rentrer dans des cases n'avait pas justement les effets contraires par rapport à ce qui est voulu? Je vais utiliser le terme normalement, même si de nos jours, on ne sait plus vraiment ce qui est normal. Une troisième raison pour laquelle le célibat peut être très compliqué à supporter, c'est lorsque l'on entend autour de nous, et tout le monde a dit ça au moins une fois dans sa vie, de toute façon, je préfère être seul, car en fait, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Mais le problème, c'est que lorsque l'on est seul, on s'investit et on compense pendant toute une période de célibat qui peut être long. On peut être amené, je mets tout au conditionnel, mais les trois quarts du temps, on peut être amené par compenser par faire autre chose et à s'investir énormément sur l'extérieur. On s'investit beaucoup dans le travail et on rentre très vite dans le rythme du métro, boulot, dodo. Mais le problème, c'est que lorsque l'on a fini ce rythme-là, le turbin, les transports, on rentre chez soi et on est seul. Le fait que ce soit compliqué, c'est que même si la famille et les amis sont là, on n'a personne à qui penser. On peut penser aux amis et à la famille, mais ce n'est pas du quotidien. Pour beaucoup de personnes, sans vouloir suivre un schéma standard comme les pressions que l'on a citées auparavant, beaucoup de personnes ont besoin ou envie de vouloir partager des bouts de vie avec quelqu'un, partager des moments intimes. Partager des restaurants, des sorties, pouvoir prouver que l'on peut encore séduire, trouver la joie et le bonheur de pouvoir faire des cadeaux à une personne bien précise, pouvoir partager des moments de vie que les amis ou la famille ne pourront pas comprendre. Et le problème, c'est que le célibat, lorsque l'on a ce manque, et malheureusement les personnes qui sont à l'extérieur ne peuvent pas le comprendre parce qu'ils ne sont pas à notre place, fait que cela soit très compliqué et très dur. Et souvent le moral peut tomber parce que l'on se dit: il nous manque quelque chose. On ne sait pas obligatoirement avec qui, on ne sait pas obligatoirement comment, On ne sait pas comment mettre cela en place, mais on sait qu'il nous manque quelque chose. Cela nous fait comme une espèce de vide dans notre vie. Le fait, simplement, de vouloir plaire à quelqu'un et qu'il y ait une personne autour de nous, bien précise, qui puisse vraiment nous connaître dans notre intimité, qui puisse nous mettre en valeur quand on en a besoin et qui puisse nous remettre en place lorsque l'on va trop loin. Et malheureusement, sur ces points-là, les amis, la famille, les collègues de boulot, les patrons, les ouvriers ne peuvent pas comprendre cela. Et même pour une partie, on peut se demander si même c'est leur rôle. Et le fait est aussi que lorsque l'on est seul et que l'on n'a personne à qui penser, même quand on rentre chez soi, cela peut nous approcher de nos propres peurs par rapport à l'avenir, où l'on arriverait à se remettre sans arrêt en question. Qu'est-ce qui se passerait si ma vie c'était ça? Qu'est-ce qui se passerait? Comment est-ce que je finirais si je rentrais à chaque fois chez moi en étant seul? Comment est-ce que je finirais? Est-ce que je vais devoir passer le reste de ma vie à compenser auprès de la famille et des amis et du travail, mettre au boulot dodo? Ou alors est-ce que je vais devoir, ou alors pouvoir réussir à m'en sortir en faisant quelque chose qui me convienne? Le quatrième exemple, quant au fait que le célibat soit compliqué à supporter, c'est plus pour la catégorie des pères ou des mères solo, aussi bien à la suite d'une séparation, d'un décès ou autre. Et lorsque l'on leur demande s'ils n'ont pas envie de se remettre en couple avec quelqu'un, souvent la phrase c'est « je rentre du boulot, mes enfants sont là, je dois m'occuper d'eux, je n'ai pas envie de m'engager dans une nouvelle relation, je dois m'occuper de mes enfants, je n'ai pas le temps de m'occuper de moi. Mes enfants avant tout, mes enfants sont ma priorité, moi on verra après. » Je suis le premier à être d'accord quant au fait que les enfants sont importants. Mais on peut se poser la question, est-ce que les enfants doivent être la priorité par rapport à sa vie d'homme, de femme ou alors simplement de parent? Mais on peut se poser la question quant au fait de savoir si est-ce que le fait d'élever des enfants doit être vraiment prioritaire sur tout ce qu'il y a autour de nous et sur nous-mêmes et surtout par rapport à notre propre condition d'homme ou de femme. Si on appuyait sur le fait de notre condition de parent, quasiment tous les parents disent sans arrêt qu'ils seraient prêts à faire n'importe quoi et à mourir pour leurs propres enfants. On peut se poser la question de savoir si le fait de tout donner et d'essayer d'apporter tout ce que l'on veut à nos enfants, est-ce que l'on doit passer obligatoirement par le principe de négliger beaucoup de choses pour soi-même, pour son bien psychologique, pour son bien-être physique, social ou spirituel? Il y a des tranches d'âge par rapport aux enfants qui sont plus ou moins susceptibles ou qui demandent plus d'attention que d'autres. Dans la logique de l'enfance, entre 1 an et 4 ans, c'est la période de l'éveil pour l'enfant. Entre 4 ans et 6 ans, c'est la période du pré-apprentissage. Entre les 6 ans et les 10 ans, c'est la période de l'apprentissage à proprement parler. Entre les 10 ans et les 15 ans, on pourrait dire que c'est l'apprentissage sociétal. Et après 15 ans, l'enfant commence à se construire sa propre vie et sa propre identité. Je schématise les exemples que j'ai donnés, les tranches d'âge. On ne peut pas du tout généraliser cela sur tous les enfants et sur tous les types de personnalités d'enfants, mais j'essaie de globaliser et de faire un style de schéma moyen. Le problème, c'est que l'on a pu voir dans les exemples que j'ai cités auparavant le fait que l'enfant a besoin de construction, ou alors l'enfant aurait besoin de construction et d'un suivi parental entre 1 an et à peu près 13 ans, 14 ans en moyenne. À partir de ce moment-là, l'enfant pourra commencer à se construire lui-même avec sa propre personnalité en pouvant s'appuyer sur ses parents. Maintenant, le problème qu'il y a, c'est est-ce que entre 1 an et ses 13 ans, le père ou la mère ne doit être là que pour son enfant et totalement s'oublier? Est-ce que c'est une vie? Est-ce qu'il peut se construire? Est-ce que l'homme ou la femme peut se construire? Est-ce qu'il ne peut vivre que pour ses enfants? Est-ce que le fait d'être célibataire pour son enfant, est-ce que c'est vraiment un choix? Et est-ce que l'on peut vivre, ou alors est-ce que l'on peut mettre sa vie personnelle en stand-by pendant plusieurs années et qu'au bout d'un moment, on refasse sa vie quand les enfants sont en âge de nous laisser? Mais le problème, c'est est-ce qu'il ne sera pas trop tard à ce moment-là? Ou est-ce que ce ne sera pas beaucoup plus compliqué en tout cas? Je pense qu'il y a un truc que l'on doit prendre en compte. Tous les exemples qui ont été cités auparavant peuvent provenir de discours entendus, des discours que tout le monde a déjà entendus autour de soi, de pensées, de réflexions que l'on a tous eues. Et lorsque l'on aborde le sujet des enfants, la phrase de standard c'est « Tu ne peux pas savoir, tu n'en as pas ». Je pense que, dans un sens, c'est vrai, mais à côté de ça, est-ce que le fait de ne pas en avoir nous empêche de prendre du recul par rapport à ce que l'on est et par rapport à la situation du célibat et de la complexité du célibat. On n'est peut-être pas obligé de ne parler à 100% que de ce que l'on connaît, on peut peut-être aussi se projeter sur les choses que l'on n'a pas et réussir à prendre du recul pour pouvoir exprimer un avis personnel, toujours en étant dans l'objectivité et dans le respect. Maintenant, avant de passer sur la deuxième phase où on va essayer de trouver des solutions pour sortir du célibat, pour s'entraider, pour se motiver, un petit arrêt musical ne fera pas de mal. Et voilà, nous venons d'écouter Leverage du groupe Brave Lion. Et donc maintenant, pour la seconde partie de ce podcast, nous allons voir ensemble un petit peu toutes les possibilités que l'on a pour pouvoir se sortir du célibat. Qu'est-ce que l'on a comme solution? Comment est-ce que l'on peut rencontrer du monde? Comment est-ce que l'on peut s'en sortir? Comment est-ce que l'on arrive à aller de l'avant? Il y a plusieurs possibilités. Contrairement à il y a peut-être 50 ans, 60 ans, où les moyens sociétaux et technologiques étaient quand même beaucoup plus diminués et peut-être beaucoup plus renfermés que notre période actuelle, et où aussi la mentalité était complètement différente de maintenant. Aujourd'hui, nous avons la possibilité de pouvoir avancer, de pouvoir connaître et de pouvoir rencontrer du monde plus ou moins facilement. Nous allons essayer de voir cela en comparaison de peut-être un petit peu tous les thèmes qui nous ont amenés au célibat. et de la dureté du célibat que l'on a enduré ou que l'on peut endurer en ce moment. Nous allons essayer de voir tout cela. Et à la fin, on essaiera de se motiver mutuellement. J'essaierai de vous donner quelques conseils pour vous motiver. Car c'est vrai que se sortir du célibat, c'est très facile à dire en théorie, c'est beaucoup moins dans la pratique. Donc on a besoin de motivation. J'essaierai de vous apporter cela à mon modeste niveau. Alors en fait, dans un premier temps, avant de mettre en avant toutes les différentes façons que l'on a pour pouvoir sortir du célibat et essayer de rencontrer du monde, il faut déjà se poser une question. Est-ce que l'on est prêt pour ça? Est-ce que l'on a envie de se trouver quelqu'un? Est-ce que l'on a envie de se trouver quelqu'un non pas pour les autres, non pas pour faire comme les autres, non pas pour être un reflet de la société, mais vraiment pour soi, mais vraiment pour être bien et pouvoir partager plusieurs choses et des envies et des motivations avec quelqu'un d'autre. Avant de se lancer dans la recherche ou dans tout ce qu'il faut pour ne plus être seul, il faut déjà savoir et se poser la question si est-ce que l'on a envie de se mettre en couple avec quelqu'un? Est-ce que l'on est motivé? Est-ce que l'on a envie de trouver ou de retrouver, en fonction de notre passé, le partage, les moments et les concessions et tout ce qu'il y a lorsque l'on est en couple avec quelqu'un? Et maintenant, donc, les premiers exemples que l'on peut prendre pour essayer de se lancer sur la recherche du partenaire ou de la partenaire. Dans un premier temps, on peut commencer par les sites de rencontres. C'est le plus courant, c'est le plus simple. Indirectement, c'est de la facilité aussi, car en fait, on a envie de se trouver quelqu'un, mais sans devoir trop bouger, sans faire trop de concessions. Et malheureusement, le problème avec les sites de rencontres, c'est que l'on peut avoir tendance indirectement à chercher la personne idéale, à essayer de trouver quelqu'un qui nous correspond à 100%. Il y a beaucoup de sites de rencontres où en fait on peut glisser, il y a certaines applications qui appellent ça « swapper », où en fait cela ne se base que sur le physique, le ou la partenaire nous plaît, on accepte, ou alors il ou elle ne nous plaît pas, on zappe. Mais ce n'est que en se basant sur une photo, ou alors deux ou trois lignes, mais quasiment rien. Vous pouvez voir des sites de rencontres plus ou moins sérieux, des sites pour des relations provisoires, pour de la construction, des sites pour des relations sérieuses, soit gratuites, soit payantes. Et on peut trouver des sites de rencontres sur vraiment tous les thèmes, sur les personnes qui préfèrent les étrangers, sur les personnes qui préfèrent les petits, les grands, tout type de physique, homo, hétéro, les végétariens, les végans, tout type d'origine. C'est vrai que les sites de rencontres sur Internet ont la faculté de pouvoir nous ouvrir à des espèces de portails qui sont réellement importants. Et on peut vraiment s'ouvrir à plusieurs personnes et s'ouvrir dans tous les sens du terme. Ce qui peut être très enrichissant, mais très dangereux en même temps. C'est pour cela que le conseil que je donnerais, c'est lorsque l'on échange avec quelqu'un, c'est toujours essayer de rencontrer en vrai plus ou moins rapidement. Et toujours essayer de rencontrer dans des endroits publics, en journée. Essayer de trouver un attrait en commun. Il y a certaines personnes qui sont à l'aise quant au fait de rester autour d'un verre, dans un bar, pourquoi pas. Il y en a d'autres qui sont plus à l'aise dans un nouvel environnement, visiter un musée, un parc ou un truc comme cela. Un attrait en commun qui puisse permettre de pouvoir se connaître l'un l'autre sans en fait obligatoirement simplement se regarder dans les yeux. L'avantage d'Internet et l'inconvénient en même temps, c'est qu'on peut faire des rencontres assez facilement. Mais on peut être très déçu facilement. C'est pour cela qu'il faut faire très attention. Mais après, comme on le dit si bien, qu'il ne tente à rien. On peut toujours essayer. On peut toujours essayer de chercher ou de s'inscrire sur un site de rencontre par rapport à des objectifs ou des motivations personnelles ou alors des envies d'une manière globale qui peuvent nous correspondre. Et après, tout ce que l'on peut souhaiter, c'est que cela fonctionne bien. Mais le principal, essayer de rencontrer plus ou moins rapidement. L'autre possibilité pour pouvoir éviter de supporter le célibat un petit peu trop longtemps, cela peut être simplement s'investir dans de l'associatif. Il y a énormément d'associations qui recherchent sans arrêt du monde. Il y a beaucoup de personnes qui peuvent rentrer dans des associations, soit pour casser la routine, soit pour voir du monde, mais qui ne soit pas dans leur cercle amical ou familial commun. Il peut aussi y avoir simplement les personnes qui veulent s'investir dans de l'associatif pour pouvoir démontrer des valeurs qu'ils ont et où ils veulent mettre en application certaines compétences, certaines institutions, certaines envies, certains objectifs qu'ils se sont fixés, ou alors simplement certains buts. Ou alors, il y a aussi simplement certaines personnes qui rentrent dans de l'associatif dans le but de vouloir se rendre utile et de vouloir aider son prochain. Soit aider les personnes qui sont SDF, soit aider les personnes qui sont handicapées, soit aider les personnes qui sont âgés, ou alors les personnes dépendantes. Et le hasard peut faire que des fois ça fonctionne, des fois ça ne fonctionne pas, mais des fois on peut faire des rencontres très chanceuses et très bonnes, et avec des personnes qui ont nos valeurs, parce qu'on entre dans des associations qui correspondent à des valeurs que l'on a et que l'on souhaiterait transmettre. Je vais prendre un exemple. Les personnes qui vont dans les Restos du Cœur, c'est quand même la valeur d'aider son prochain, la valeur de vouloir aider, comprendre et soutenir les personnes dans le besoin. Et sachant que dans ces cas-là, les groupes de personnes qui interviennent, ça peut être de 2, 3, 4, 5, en fonction des missions qu'il peut y avoir, cela peut permettre de créer des affinités en fonction de ce dont on a envie. On peut prendre comme exemple une autre association comme la Croix-Rouge, qui propose des missions sur tous les thèmes et pour tout type de public, et qui propose de former les personnes, cela peut être sur le courisme, et cela peut être sur le secourisme, sur le portage des repas, sur le soutien moral des personnes dépendantes, ou alors sur le volontariat, sur tous les thèmes, d'une manière globale, et qui propose même des fois des missions humanitaires. Tout cela, ce n'est pas du tout dans le but de s'éloigner du sujet principal ou de faire de la pub pour des associations, même s'ils en ont besoin quand même s'ils ont besoin de bénévoles en tout cas. Le but, c'est vraiment essayer de vous faire comprendre que le fait de sortir de chez vous et de s'investir dans du bénévolat et de l'associatif peut avoir une répercussion sur vous-même, sur votre motivation de vouloir rencontrer du monde et de indirectement se laisser couler. Et de indirectement, peut-être rencontrer du monde. Il y a certaines personnes qui diraient c'est juste compenser le temps, mais compenser le temps, on peut très bien utiliser ce fameux temps-là sur autre chose et utiliser ce temps-là pour aider les autres. Et à côté de cela, cela permet de pouvoir sincèrement et réellement rencontrer de nouvelles personnes, un nouvel environnement, et le hasard peut très bien faire que vous rencontrez la personne qui vous convient. L'autre possibilité pour pouvoir rencontrer du monde, et là c'est vraiment si on est sur un objectif de vouloir rencontrer quelqu'un, c'est essayer de pratiquer ce que l'on appelle le speed dating. Il y en a beaucoup qui connaissent. Mais je vais faire une petite rappel de piqûre au cas où certaines personnes ne connaîtraient pas, ou alors ils connaissent de nom, mais ils n'ont jamais pratiqué. Cela peut être homme-femme, femme-femme, homme-homme, tous les types. Le principe, c'est que vous essayez de visualiser une rangée de tables. D'un côté, il y a les femmes, et de l'autre côté, il y a les hommes. Les femmes restent assises à leur place, et il y a en fait une première partie d'hommes qui s'installe devant chacune des femmes. Et à ce moment-là, une sonne, une cloche, et à ce moment-là, une cloche sonne. Ou un bruit, ou tout ce que l'on veut. Et à ce moment-là, une cloche sonne, et les deux personnes commencent à échanger. 10 minutes après, la cloche sonne, les femmes restent à leur place, et les hommes vont sur la chaise d'à côté. Ainsi de suite, pendant une heure et demie, en fonction. Que la soirée est terminée, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque on arrive au speed dating, chaque homme et chaque femme, en fonction, a en fait un numéro. Et après une heure et demie, lorsque tout est terminé, on inscrit soit sur un tableau, soit sur le site internet de l'organisation, les numéros qui nous ont correspondu ou flashés. Et si jamais il y a deux profils ou deux numéros où il y a correspondance, à ce moment-là, ils échangent les numéros de téléphone et un contact. Cela peut être pas mal. Cela peut être intéressant parce que on casse le rythme du virtuel et cela permet pendant 10 minutes de pouvoir connaître un petit peu la personne. Maintenant, il peut y avoir une petite déception parce que si on a bien approché à la personne mais que l'autre, ce n'est pas le cas, c'est le jeu du hasard après. C'est un petit peu le jeu du hasard. C'est une espèce de petite loterie. On essaye, on tente sa chance. Mais le principe est quand même intéressant. On n'a pas un écran, on a une vraie personne et une vraie personnalité en face. C'est assez intéressant. Une autre possibilité de pouvoir rencontrer du monde, et peut-être rencontrer la personne qui nous convient, c'est tout simplement son lieu de travail. Un article du Parisien nous démontre que 38% des couples français se sont rencontrés sur leur lieu de travail. Cet article date du 6 février 2019. Cela peut être assez intéressant et assez dangereux en même temps, à partir du moment où la personne que l'on rencontre n'est pas obligatoirement quelqu'un que l'on côtoie tous les jours. Il est peut-être important de pouvoir réussir à séparer la vie privée de la vie professionnelle, au moins pour pouvoir avoir un équilibre. Il y a beaucoup de couples qui arrivent à se stabiliser, à être 24 heures sur 24 ensemble. Est-ce que c'est la majorité qui fonctionne? C'est à voir sur le long terme. Personnellement, j'ai un doute, mais c'est à voir. Le lieu de travail est un lieu important parce qu'il ne faut pas oublier que l'on passe les deux tiers de sa vie au travail. Malheureusement, le même article nous démontre ou nous stipule que 62% des salariés ont déjà eu, des salariés français, ont déjà eu une aventure sur leur lieu de travail. Maintenant, il faut prendre ou il faut faire la part des choses. Il y a ceux qui le disent, il y a ceux qui le font et qui ne le disent pas. Mais sachant que ce sont des études, on peut supposer qu'il y a quand même un minimum d'honnêteté principale. Aventure, on ne va pas se leurrer, c'est vraiment l'affaire de quelques heures. On ne va pas mettre tous les corps de métier dans le même panier, mais le fait qu'il puisse y avoir, en se basant sur cette étude-là, 38% des couples qui se sont formés à partir du lieu de travail en France, je pense que cela peut donner un bon espoir. Je pense qu'il faut tenter. Dans le pire des cas, ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas. Il faut juste faire attention à essayer de poser carte sur table, je pense, à essayer de poser carte sur table en disant si jamais cela ne fonctionne pas, comment est-ce que cela se passe par la suite, si on est amené à se côtoyer à nouveau. Je pense que il faut faire attention, il faut réussir à prendre des reculs et être conscient des risques qu'il peut y avoir du fait de rencontrer quelqu'un sur le lieu de son travail. Simplement pour le fait de côtoyer. Mais c'est une alternative qui peut être intéressante. C'est quelque chose que l'on peut essayer. À partir du moment où l'on connaît les règles du jeu à la base, vous connaissez les règles, vous acceptez de savoir si vous voulez continuer ou pas la partie. Un autre exemple, sur l'un des premiers points où l'on parlait du fait d'habiter dans le même environnement où l'on vivait avec son ex. La solution peut être très simple, il faut juste se lancer et être prêt à ça. C'est tout simplement déménager. Si à partir du moment où vous rentrez chez vous et vous avez des souvenirs de votre ex et vous le ou la voyez un petit peu partout ou vous l'imaginez partout, ça veut dire que indirectement vous n'avez peut-être pas fait le deuil de cette relation. Essayez de compenser une relation de plus ou moins long terme mais qui vous a marqué et essayez de la remplacer par une autre relation physique. Des fois ça peut fonctionner, mais ce n'est pas la majorité, objectivement. Déjà dans un premier temps, il faut prendre conscience d'un truc. Pour refaire sa vie avec quelqu'un, il faut déjà accepter d'être prêt à passer à autre chose. Et l'une des étapes pour pouvoir passer à autre chose, c'est tant que l'on a la possibilité de le faire, c'est changer d'environnement. L'un des conseils qu'il peut y avoir, c'est lorsqu'une relation se termine, que vous ayez quitté ou que vous vous soyez fait quitter, c'est changer d'environnement, changer d'appartement, changer de maison, même si c'est pour un truc plus petit. Il y a plein de personnes qui changent même carrément de région, qui changent même carrément de pays, simplement pour pouvoir se reconstruire. C'est vraiment quelque chose qui est important et qui est fort. Mais vous devez prendre conscience d'un truc. C'est que se lancer sur un déménagement et le fait de changer d'environnement, on ne peut pas se dire, bon ben voilà, demain je déménage. Non. Sur le principe, c'est vraiment on déménage quand on se sent prêt. Quand on sait que l'on arrive à un point où notre passé commence à nous rattraper et où ça peut nous faire mal. Et où on se rend compte qu'il faut partir. Il faut changer d'environnement pour notre survie. Soit notre survie personnelle, soit la survie de notre entourage. Mais à partir du moment où l'on décide de déménager et de changer d'environnement, de maison, appartement, logement d'une manière globale, c'est que l'on commence à être prêt à passer à autre chose. Et à partir de ce moment-là, c'est un grand pas. C'est un grand pas, il faut simplement accepter de faire cela. Et le dernier exemple pour pouvoir s'en sortir, c'est un petit peu en relation avec tous les exemples qu'il y a eu en fait auparavant, c'est ne pas avoir peur, ne pas hésiter à aller voir un professionnel. Les amis ou la famille pourront nous guider ou nous soutenir, mais ce sont des personnes qui vous connaissent. Qui vous connaissent même des fois par cœur. Et objectivement, même si ce sont des amis très proches, indirectement, les amis ou la famille seront un petit peu parti pris, parce qu'ils vont essayer de vous parler de telle façon où vous, vous voudriez l'entendre. Même s'ils sont cash et francs, qui vous disent des choses que vous n'allez pas aimer, obligatoirement, ce sont quand même des personnes qui vous connaissent et qui vous connaissent par cœur. Alors que l'une des solutions, c'est accepter d'aller voir un psychologue. Aller voir un psychologue, ce n'est pas du tout quelque chose de mauvais. Et je pense que bien au contraire, c'est aller voir quelqu'un qui ne nous connaît pas et qui arrive à prendre du recul sur nous-mêmes. Et la personne peut nous dire ce que l'on veut et des fois ce que l'on ne veut pas. Mais toujours sans aucun parti pris. Pour beaucoup de personnes, aller voir un psychologue, c'est un aveu de faiblesse. Je pense que justement, au contraire de la plupart des personnes, cela peut être une aide et un soutien moral. Un soutien sans aucun parti pris. Et un soutien qui peut nous permettre d'avancer, mais parce que c'est une personne qui est totalement externe. Avec des points, des objectifs, des buts à atteindre. Et cette personne peut nous aider à nous remonter étape par étape. Et non pas tout monter d'un coup. C'est vrai que cela coûte un prix et ce n'est pas remboursé par la Sécu. On le sait. Ce qui est... Personnellement, je trouve ça idiot. Parce que c'est aussi un soutien moral et c'est très important. Je vous dirais simplement, n'hésitez pas. N'hésitez pas à vous faire aider si jamais vous en avez besoin. Je pense que l'on peut dire objectivement qu'il n'y a pas que les fous et les malades qui vont voir des professionnels. Il peut simplement y avoir des personnes qui ont besoin de parler, de se livrer à des personnes extérieures. Et maintenant, nous allons arriver sur la dernière partie où je vais essayer de vous donner quelques clés pour pouvoir vous en sortir. Pour pouvoir faire en sorte de vous ouvrir, pour pouvoir trouver quelqu'un. Et vous débarrasser un petit peu de tout ce qui peut être mauvais. Terminer ce podcast, les petits conseils que je pourrais vous donner se résument en trois points. Le premier, n'écoutez pas les autres. Essayez de suivre votre instinct. Vous avez une personnalité, vous avez quelque chose qui est bien, et simplement vous devez vous le persuader à vous-même. Tout votre entourage sera toujours influençable, mais ils ne vont pas connaître votre vie. Donc essayez de suivre votre instinct. Le deuxième point serait qu'il n'y a pas d'âge pour avancer, pour refaire sa vie. Il y a des gens qui refont leur vie à 25 ans, à 30 ans, à 35 ans, ça peut monter jusqu'à 50 et même des fois jusqu'à 60 ans. Donc il n'y a pas d'âge. Le troisième point, ce serait simplement d'accepter de se laisser du temps. Si vous essayez de trouver quelqu'un, après que cela se soit cassé avec votre ex, si jamais vous essayez de vous trouver quelqu'un rapidement, cela ne va pas fonctionner. Et parce que vous aurez tendance à vouloir chercher quelque chose que vous aviez connu avant, mais qui n'existe plus. Donc, acceptez de vous laisser du temps, acceptez de vous laisser couler, pas trop, pour ne pas sombrer dans la dépression. Mais acceptez de vous laisser du temps et vous verrez bien. Votre période de célibat peut durer un an, 2 ans, quelques mois ou plus. On sait bien que la période de célibat est très compliquée. Auparavant, je vous ai donné quelques indices, ou plutôt quelques alternatives. Mais à partir du moment où vous acceptez de vous laisser du temps et de laisser l'avenir faire, sincèrement, tout se fera tout seul. Et de toute façon, vous devez partir d'un principe qui est très simple. L'être humain, aussi bien en Europe, en France, partout dans le monde, n'est pas fait pour être seul. L'être humain n'est pas fait pour vivre seul. Il a besoin de contact. Il a besoin de partager, sans arrêt. Donner, échanger, constamment. Et même au quotidien, l'être humain a besoin de partager sa vie avec quelqu'un de stable. Et les personnes qui finissent totalement seules et qui finissent toute leur vie en étant entièrement seules, ou plutôt qui ont vécu les trois quarts de leur vie seules, ont quand même une espérance de vie beaucoup moins importante que ceux qui sont en couple. Donc faites-vous confiance et vous trouverez quelqu'un à condition de faire des concessions envers vous-même. Et voilà, c'est la fin de ce podcast. Donc, je vais vous souhaiter à tous le meilleur, en espérant que vous puissiez trouver votre bonheur, et je vous dis à plus tard pour un nouveau podcast.